Vous les avez vus. Vous les avez connus. Le Macumba, le Zénith, l'Acropolis, les bains-douches, le pick-up, le palace. Et puis, il y avait la nuit des temps. Un club dans le nord de la France qui avait pour particularité de programmer des sons dans tous les sens. De la soul, du funk, de l'électro, de la disco et même du jazz. Chaque semaine, nous allons faire revivre l'esprit unique de ce club. Chaque semaine sur Radio Dio, nous allons rouvrir les portes de la nuit des temps qui, à la fin des années 70, avait créé sa radio, une radio pirate pour diffuser ses playlists. On rallume les amplis, ça grince un peu. On dresse l'antenne comme les studios de la RKO. Bienvenue dans la nuit des temps. Ah ouais, Doudou est un titre par le bassiste guadeloupéen George Decimus. La pulsion est signée Jean-Claude Nemro. Et on reconnaîtrait ce son entre mille, il s'agit bien entendu du groupe Cassave. Et nous sommes en 1981. Cassave est ici remixé par l'excellente Chloé Caillet qui, après un exil à Bristol en Angleterre, puis à New York aux États-Unis, s'est installée avec sa copine à Ibiza. Des Caraïbes aux îles espagnoles, il n'y a qu'un pas. Un pas pour faire doudou, doudou, doudou, sur la basse inimitable de George Decimus. Vous êtes loin. Nous sommes là. Bienvenue dans la nuit des temps sur Radio Dio. Okay. Il est né à Cuba. Mais, il vit un peu plus loin, du côté de Miami. Et il mixe la tradition afro-cubaine avec le rock, le jazz et tous les rythmes brésiliens. Et voici Willy Chirino. Et je te dis humblement ce que les gens disent. Avec moi, il n'y a pas de comparaison. Mais oui, nous sommes les champions de la salsa. Et nous sommes en 2008. Los Copuenos de la Salsa. Willy Chirino. Do away with pain. Do away with playing games for short-term gain. Do away with scheming. Do away with grey. Do away with dreaming of another day. Everything But The Girl. Ce sont des revenants qui fabriquaient sans doute l'un des plus beaux sons des années 80. Forever. Et c'est, à n'en pas douter, notre power play de la semaine. Everything But The Girl. No more games. Stop thinking what you'd say from the flames. What you will desire when everything's on fire. C'est pile en 1983, lorsqu'Alison Moyet sort ce fantastique et joyeusement dépressif Nobody's Diary, qu'elle se sépare de Vince Clarke. Le groupe Yazoo, qui aura tant fait danser, disparaît dans les tréfonds de la nuit des clubs de la pleine lune. Adieu Alison, adieu Vince. Mais nous, on vous joue toujours et pour l'éternité. Sortez les synthés, balancez le rythme binaire, mutez les dance floors. Le son remonte de la nuit des temps pour passer dans le pylône de Radio Dio et inonder Saint-Étienne de Yazoo. Nobody's Diary, nous sommes en 1983. La nuit des temps, Radio Duo. C'était une promesse sonique géniale des années 2010. Et on replonge avec délice dans son Straight Outta Mumbai. Nous sommes dans le quartier de Rhino Lanes, à Londres. Nous nous sommes en 2013, et c'est un chef-d'œuvre de construction rythmique. J. Paul. La nuit des temps, l'international de la danse. दिखाओ मैं परिंदा नहीं मेरी खुशियां मेरे सपने हैं जिंदा यहीं मुझे पिंजरा न दिखाओ मैं परिंदा नहीं मुझे कहने दे तुझको मेरी कसम है कोई जहर तो नहीं इसे पी के गुनगुनाऊं तू खफा तो नहीं ये जाम तो फिर जाम है कोई जहर तो नहीं इसे पी के गुनगुनाऊं तू खफा तो नहीं मुझे जीने दे तुझको मेरी कसम डिस्को 82 डिस्को 82 डिस्को 82 डिस्को बाकी हम बहते रहे तू मुझसे मैं तुझ दुनिया है एक डिस्को डिस्को 82 डिस्को 82 डिस्को 82 ला ला ला ला ला de Kishir Kumar dans le Bollywood des années 80 à Everything But The Girl n'a aucun sens. Aucun sens, sauf peut-être le sens de la danse. La voix de Tracy Thorn, Caution to the Wind, bienvenue dans notre power play de la semaine, Everything But The Girl. All the stars align, shimmer and shine, I've waited all my life for such a night. Out here in the dark, a cloud across the stars, the sky is a cathedral, and I'm home. La nuit des temps, Radio Duo. Jamais abandonné le disco, même lorsque le genre était complètement au bout du rouleau. Sortez les violons, sortez dans les clubs gays, le kitsch, le chanté-parlé, la dance, et le champagne. Che Guevara et Debussy dans un même sac, dans le disco beat. C'est tout l'art de jouer une musique sophistiquée et militante derrière une vaste blague. Big up aux divas. Big up à Neil Tennant. Big up à Chris Lowe. Che Guevara et Debussy sont dans le disco beat. Et c'est ça le secret de la vie. C'est même notre mantra ce soir dans la nuit des temps. Car mesdames et messieurs, voici les Pet Shop Boys. I probably would. la nuit des temps, l'international de la danse. Il a aujourd'hui 75 ans. Il a joué dans des groupes comme Traffic ou Spencer Davis Group. Il a été produit par quelqu'un qu'on adore ici, c'est Wally Badarou. C'est un petit peu Phil Collins, mais en mieux. Et puis surtout, il maîtrise les synthés des années 80 absolument comme personne. Le temps que les nappes numériques s'installent, ce sera notre dernier titre ce soir. Voici Stevie Winwood et nous sommes pile en 80. amis, c'est déjà l'heure de fermer notre bon vieux club qui a accueilli du monde entier et même du beau monde ce soir sur son dance floor, puisqu'on a reçu les Guadeloupéens de Cassave, remixés par Chloé Caillet. Il y avait également Willy Chirino pour fêter les champions de la salsa, les inaltérables Everything But The Girl, toujours aussi dansant mais glaçant depuis Londres, Yazoo dans la même veine qui voyait son agenda bien rempli au milieu des années 80, le génial J. Paul, oublié mais pas trop car sa musique tient toujours bon la corde aujourd'hui, Kishore Kumar dans le Bollywood des années 80 et même précisément son disco 82. Et puis bien entendu les Pet Shop Boys qui n'étaient pas seulement des vendeurs de caniches mais aussi des amateurs de Debussy et surtout les sauveurs du disco dans les années 80, justement à une époque où ce n'était pas si noble que ça d'aimer précisément le disco. On a également écouté les Bamboos et leur reprise du célèbre Ride on Time créé par les Black Box et à l'instant Stevie Winwood. Et puis tout de suite pour se dire au revoir, un petit coup d'électronique qui joue sa dance post New Order post Joy Division. C'est parfait. Alors que le pylône en métal est dressé sur l'une des collines de Saint-Étienne et nous inonde de musique, de vibrations et de découvertes, eh bien, à part le direct, il y a aussi les podcasts pour retrouver la nuit des temps qui est ouverte 24 heures sur 24 sur le site de Radio Dio ou via Instagram à la nuit des temps 2. Temps pour nous de continuer à contempler les étoiles et d'accueillir qui ou quoi, où ça va parler probablement, j'en suis même presque sûr, de bouquins, de littérature ce soir. Le temps de s'installer, d'accueillir le public nombreux, la foule en délire, restez sur les ondes de Radio Dio, buonanotte, salut!